vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Marginalisez-moi, exploitez-moi et analysez-moi. Et pointez-moi du doigt, moi, jeune qui banalise les lois. Mais j'ai compris que petit est le fossé qui nous sépare. Et ça, c'est le genre de choses qu'un de mes sourcils français ne sait pas du. Moi, c'est ce qu'ils pensent. Mais moi, je sais qu'au fond, on peut leur mettre bien profond, même si de fond, on nous dispense. Ma part de cotisation reste minime et utile. Donc, hors de question, voir l'étatisation de ma musique. Et c'est la crise de fou rire. Et sache qu'ils n'avanceront pas si on s'arrête tous de courir. Le système se démène devant moi, veut me plonger dans le noir. Mais je reste en émoi face au domaine de l'emploi. Je leur accorde aucune confiance. Tout ce que je te dis c'est pas de la parano. Non non, c'est juste une conscience. Et ces omnis pourtant faire preuve d'omnipotence. En tant que jeune pauvre, je nous sens loin du serment du jeu de paume. Déluré depuis déjà belle lurette. Travailler plus pour gagner plus tu rêves. Me critiquer ça ils l'ont fait maintes fois. Mais rien à foutre tu vois. Je sais très bien qu'ils ont besoin de moi. Les sans-papiers, les irréguliers, ils servent à être payés moins cher. Et donc c'est un flux sans cesse dans des secteurs comme le bâtiment, la restauration, où on amène en permanence des immigrés, non pas pour prendre le boulot des Français selon un vieux slogan, mais pour faire baisser les salaires de ceux qui sont là. J'ai pas la forme d'un convoyeur de fond. Et si je pousse pas la fente, t'inquiète, eux le font. Ils font qu'au fond, il est au chaud le bifton. Alors qu'il y en a qui ont du mal à blinder leur bidon. Les MC tuent le rap, à pas faire vivre ce que nous vivons. Les banques ont intérêt à ce que nos comptes nous les vidions. Je donnerai pas mon sang pour lutter dans leur division. Armée de terre, de l'air pour tuer pères et mères, terminés par le fiston. Ça c'est extrêmement important pour moi qui ai le plaisir de les connaître. Parce que je ne veux pas que qui que ce soit aujourd'hui ose dire que ces gens sont des voyous. Ce sont des personnes qui, comme tout le monde, travaillent dur pour payer leurs factures, ont des enfants à charge et qui ont, comme tout le monde, ils se lèvent le matin et rentrent chez eux. Tu t'écroules d'engrenage qui maintient la machine. Y'a pas de magie, dès que je marche, tu connais la suite, j'imagine. On se fume pour qu'ils puissent rêver de victoire. Oh, c'est bon, ouais, tu connais, tout est contradictoire. Mais qui me dit que toi, t'y contribues pas avec toutes nos contributions, avec les coups que t'attribues, toi. On est réponse de délire afin de trouver le délire pour qu'une police délibère les lignes des lois. Je suis rien, mais on besoin de matron. Je ne serais-ce qu'un patron, ou bien les larmes dont faut de vivre, pardon. T'es le chiffre, l'estimation tant attendu. Tomber dans le piège qu'on t'a attendu. Voilà pourquoi ton état est tendu. J'espère que t'as entendu, car ce n'est pas le tout repos. Mais quand tu fais un tour au poste, c'est sur toi que tout repose. Un besoin d'augmenter la foule, cela est nécessaire. Et plus que ça fonctionne, ça finit par être jamais nécessaire. Il m'a mis un chassé dans la tête. Il m'a mis un coup de pied dans la tête. Il prétend avoir été battu. De la routine pour des fonctionnaires censés être habitués à de telles situations. Il y a les journalistes qui vous faites ça. Et pourtant, l'un des policiers dérape. Aimez ça. On a rien fait. Regarde. Des coups de pied dans la tête, ils nous mettent. Des gros coups de pied dans la tête, on fait. Regarde la phrase d'aujourd'hui. Regarde ça. Toi, ça. Ils ont besoin de nous, bon ok, ça c'est un fait. Ils répandent de l'essence, attendent que tu sois l'étincelle. Sale au sel qui leur mettra le feu aux poudres. Mais ils ont besoin de nous pour que leurs flics puissent se défouler. Besoin de notre flou, séparez-vous, battez-vous, séparez-vous. Mais bon, votez pour nous même si ça paraît fou, préparez-vous. Car ici je suis une pièce maîtresse. Pas un simple pion qu'on manipule avec adresse. On te presse, t'engraisse, t'oppresse, c'est ta graisse. L'état se fout de toi, tu seras le danger dans la presse. Redresse-toi, ce système est malhonnête. Ont besoin de nous pour grandir comme Sarko 2, c'est à l'honnête. T'as l'impression de nous connaître, aucun d'entre nous n'a fait science. Pour dans ce monde on paye tout en attendant que la chance tourne. J'attends mon tour, eux se servent du mien sans passer l'heure. Paye tes impôts, sauf ta peau, mais vas-y ferme ta gueule. Je t'enterre, non, mais vas-y ferme ta gueule. Ta gueule, mais vas-y ferme ta gueule. Mais vas-y ferme ta gueule. Mais vas-y ferme ta gueule. Je veux que tu sois poli avec moi, je veux sentir que tu me respectes. Parce que sans les gens comme moi, toi t'es de la merde. C'est nous qui te les avons filés, tes putains de 40 000.